Teddy, le petit chien Patou. Connais-tu les montagnes, les Pyrénées ? Dans les montagnes, lors d'une promenade vers les sommets, j'ai rencontré un vieux conteur blotti contre un arbre qui m'a raconté cette histoire. Il y avait une fois, quand l'hiver s'éloignait et que le printemps annonçait la fin des frilosités, dans une bergerie, dans le creux de la vallée, un berger qui avait un troupeau de moutons, de brebis et d'agneaux, accompagné par son chien Patou, qui se nommait Lady. Un jour, une grande nouvelle. Teddy, un petit chien Patou est né de sa maman Lady, la chienne des Pyrénées. Teddy grandit avec Lady, qui guide, assure la garde et la protection du troupeau de moutons, de brebis et d'agneaux. Tous les soirs, au moment du rassemblement, le berger fait un mouvement et siffle doucement. Lady, à l'arrêt, surveille le troupeau et, dans un saut, fait en courant un grand cercle pour le rassemblement. En permanence aux côtés du berger, elle surveille le troupeau dans les pâturages et reste vigilante sur tous les dangers qu'il peut courir. À l'écoute du maître, elle suit les consignes. Teddy, le petit chien Patou, grandit, mais est toujours turbulent. Il court après les papillons et s'amuse avec les rayons du soleil et les ombres. Quand le troupeau de moutons et de brebis paissent, tranquille dans le pâturage, il se faufile parmi eux, les dérange et provoque tous les jours un grand désordre en sautillant et en s'amusant dans leurs pattes. Au printemps, quand la nature se réveille, les bergers décident d'aller dans la montagne vers les nouveaux pâturages, dans les hauteurs, où l'herbe est plus verte et plus abondante. Lady est toujours là, prête, jour et nuit, à protéger les moutons. Mais Teddy est de plus en plus espiègle et joue à saute-mouton dans le troupeau. Et après plusieurs journées de remontrances et de rappels sur le col de Saint-Gilles, le berger décide d'attacher Teddy sous un sapin avec une longue longe, après lui avoir fabriqué un abri pour passer la nuit. Contrarié, Teddy, malgré cela, s'endort et rêve. Un petit Teddy s'ennuyait beaucoup. Il alla trouver le magicien pour lui raconter sa vie de chien. Je suis attaché toute la journée sous un grand sapin qui fait pleuvoir des pommes de pin. « Donnez-moi des ailes comme les hirondelles et j'irai là-haut dans le ciel bleu voir tous les oiseaux couleur de feu. » Et le magicien dit au petit chien « Va voir si le ciel est toujours bleu, va jusqu'au soleil si tu peux. » Il faisait bien froid sur le bord du toit. La pluie du matin tombait sans bruit et le petit chien pleurait aussi. Je ne veux plus voler, j'aime mieux marcher. Le petit Teddy ne sait plus du tout s'il a encore rêvé cette nuit-là ou s'il a quitté son abri en bois. Oh, Teddy se réveille. Et depuis, dans les grandes prairies de la montagne, sur les hauts plateaux, Teddy est près de Lady et écoute tous les ordres du berger et surveille jour et nuit le troupeau de moutons. Il est le gardien et protège le troupeau de tous les dangers de la montagne, des rapaces venant des ciels et des loups et des sources de la forêt.